Mon âme en Dieu déjà brûlait de te connaître infiniment avant que de te voir paraître. Quand sa flamme perdue au fond de tes regards précéda dans le temps la fuite des hasards. Je chanterai ton âme au fond du paysage où viendront s'abolir la mort et ce rivage où la vie et la mort sur le soleil remuent comme d'une éternelle et frémissante mue. Quand je te vis brûlante et fière et douce à voir, et telle qu'un soleil de feu dans un miroir, mon âme s'arrêta de respirer si fort que cela ressemblait peut-être à de la mort, de celle seulement qui n'alimente en elle qu'un feu qui ne peut rendre l'âme immortelle. Comme un bel ouragan de flammes inextinguibles, tu vins prendre mon âme avec mon cœur pour cible, et tout mon être alors, par ce feu dévorant, fut soudainement pris, comme d'un feu qui prend. De ton âme en mon âme, un jour est descendu ce qui vint en sauver le paradis perdu. Ce Noël plus secret que le plus pur nadir, où l'étoile s'en vint dans l'âme resplendir des ineffables feux d'un si fatal amour qu'il nous poindra le cœur jusqu'à la fin du jour. Rien ne nous étreignait le soir près du piano comme d'entendre en nous Mozart et Kenavo, cette Magali si follement brûlante qu'elle emporte à notre âme au cœur de sa tourmente. La glycine de flamme ardente nous grisait d'un parfum que jamais notre âme n'épuisait. Sous la vaste tonnelle où le magnolia secrètement nos mains dans l'ombre nous lia, tandis que les lilas vivants de la mémoire s'engouffraient dans notre âme au point de n'y pas croire.